tu veux faire de la musique et que ça sonne comme ça. Thank you. n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Débarrasse-toi de ces chiens avant. Wow. My English is pourri. My English is pourri. I was told that I would feel nothing. Je sais pas comment on va chanter. Ah ouais, merde. C'est gentil. guitariste. Try something. Thank you.

porte la basse. Hein. Pas encore de la basse. Bizarre, c'est un peu le truc. moteur, il a bloqué, il a tout bloqué. Thank you. Vas-y la basse. Salut Margat. Faire l'offre. te le refais un peu. Salut. Yeah. facile. Ah, excuse-moi, la batterie. I'm sorry. Un peu trop comme musique, Benjamin, mets-nous autre chose. Ouais, ça se ressemble trop là. Tonight. Ça enregistre pas. This has been all right.